Chapitre 4. Un matin, Thésée se réveilla sous l'impression d'un mauvais rêve. Il avait beau ouvrir les yeux, son émotion continuait toujours. L'air qu'il respirait gonflait son cœur de mélancolie. De certains bruits appelèrent son attention. Il ne tarda pas en effet à entendre des soupirs, des gémissements, des cris de détresse, des lamentations qui venaient du palais, des rues, des temples et de toutes les habitations de la ville. Toutes ces voix plaintives sorties de chaque poitrine se réunissaient en un cœur dont les éclats douloureux étaient parvenus aux oreilles du jeune prince et l'avaient arraché au sommeil. Il se leva en sursaut, s'habilla à la hâte, et sans oublier ses sandales et son glaive à poignée d'or, il courut près du roi pour s'informer de quoi il s'agissait. « Hélas, mon fils, » dit Égée en poussant un long soupir, « nous sommes plongés aujourd'hui dans une bien vive affliction. C'est le retour d'un anniversaire qui nous impose une cruelle obligation à remplir. » À pareil jour, chaque année, nous devons tirer au sort les noms des jeunes garçons et des jeunes filles d'Athènes destinés à être dévorés par le Minotaure. « Le Minotaure !» s'écria Thésée, et en prononçant ce nom, en valeureux prince qu'il était, il porta la main à la garde de son épée. « Quel est ce monstre? N'est-il pas possible, au risque de sa vie, de le combattre et de le vaincre ?» Le vénérable Égée secoua tristement la tête, et pour convaincre son fils des difficultés insurmontables d'une pareille tentative, il entra dans des explications longues et détaillées. Il paraît que dans l'île de Crète existait un monstre effroyable, appelé du nom que nous avons dit, moitié homme, moitié taureau, dont l'ensemble offrait à l'imagination une créature d'une forme hideuse et dont l'idée seule produisait une impression terrible. S'il fallait qu'un être aussi affreux souillât la terre, au moins eût-il dû être relégué sur une île déserte ou au fond d'une caverne obscure où personne ne put être épouvanté de sa présence. Mais le roi Minos, qui régnait sur la Crète, avait dépensé une somme considérable à construire une habitation pour le Minotaure. La santé et le bien-être du monstre étaient pour lui l'objet des plus grands soins, de la plus constante sollicitude, et cela dans le seul but de faire le mal. Peu d'années avant l'époque dont nous parlons, une guerre avait éclaté entre la ville d'Athènes et l'île de Crète. Les Athéniens vaincus furent forcés de demander la paix et ne l'obtinrent qu'à de dures conditions. Ils s'engagèrent à envoyer chaque année 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles pour servir de pâture au Minotaure, le monstre favori du cruel roi Minos. Depuis 3 ans déjà, le pacte avait été fidèlement rempli. Le jour était arrivé. Les pleurs, les sanglots et les cris annonçaient le moment fatal où l'on allait choisir les 14 victimes. Le peuple entier était dans la consternation. Les parents tremblaient que le sort ne désignât leur fils ou leur fille. Les jeunes garçons et les jeunes vierges, de leur côté, redoutaient de se voir livrés à la voracité de la formidable créature. En apprenant cette histoire, Thésée se releva de toute sa hauteur et sembla grandir encore. Son regard exprimait tout à la fois l'indignation, le mépris, la hardiesse, l'amour et la compassion. « Que la ville d'Athènes choisisse seulement 6 jeunes garçons cette année, s'écria-t-il, je serai le 7e, nous verrons si le Minotaure peut me dévorer. » « Oh, mon fils bien-aimé, » dit le roi Égée, « pourquoi t'exposer à un si horrible destin? Tu es l'héritier du trône, et ta naissance te met au-dessus des lois communes. C'est parce que je suis prince, votre fils, et l'héritier du trône, que je veux prendre ma part des calamités qui pèsent sur vos sujets. Quant à vous, mon père, qui régnez sur ce peuple et répondez de son bonheur devant les dieux, votre devoir est de sacrifier ce que vous avez de plus cher, plus tôt, d'exposer la vie du fils ou de la fille du plus pauvre citoyen. » Le vieux roi supplia Thésée, en versant des larmes, de ne pas l'abandonner sans consolation au terme de sa carrière, au moment où il venait de connaître un fils aussi vertueux et aussi vaillant. Ces raisons ne changeaient rien à la résolution de Thésée. Cependant, il déclara à son père qu'il était bien décidé à ne pas se laisser dévorer sans résistance comme un faible agneau, et que s'il succombait, le régal du monstre serait au moins troublé par un combat à outrance. À la fin, le roi, vaincu par la volonté du prince royal, consentit à lui permettre de partir. Un vaisseau, dont les voiles étaient noires, attendait dans le port. Thésée, accompagné de 6 autres jeunes hommes et suivi de 7 jeunes filles d'une remarquable beauté, s'avança vers le lieu d'embarcation. Une multitude affligée leur faisait cortège. Le pauvre roi, lui aussi, était là, appuyé sur le bras de son fils, et paraissait résumer dans son cœur toutes les cruelles angoisses d'Athènes. Au moment où Thésée allait monter à bord du navire, son père lui fit signe qu'il avait une dernière parole à lui adresser. « Mon enfant bien-aimé, » lui dit-il en lui pressant les mains, « tu vois que les voiles de ce navire sont noires, comme il convient pour un voyage dont le terme est plein de désolation et de désespoir. Aujourd'hui, courbé sous le poids des années, j'ignore si je verrai le retour de cette trop pénible expédition. Mais chaque jour qu'il me restera à respirer, je viendrai me traîner sur le sommet de cette falaise, là-bas, pour chercher à découvrir s'il n'y a pas une voile à l'extrémité de l'horizon, si par un heureux hasard tu peux échapper au Minotaure, fais disparaître ce lugubre appareil, et par le navire d'agrès aussi éclatant que la lumière du soleil. À cette vue, moi et tout le peuple, nous saurons que tu reviens victorieux, et nous te recevrons avec des réjouissances telles qu'Athènes n'en aura jamais vu de pareil. » Thésée promit de se souvenir de ses recommandations. Les passagers s'étant embarqués, les matelots hissèrent les voiles noires, qui s'enflèrent aussitôt sous le souffle du vent, et en grande partie aussi des soupirs poussés avec la violence du désespoir par tous les spectateurs. L'esquif s'éloigna du rivage. À peine en pleine mer, une brise légère s'éleva du nord-ouest et fit glisser rapidement l'embarcation sur la crête écumante des vagues, comme s'il se fût agi d'une traversée au terme de laquelle on devait trouver plaisir et bonheur. Malgré le caractère lugubre de cette expédition, je me demande si ces 14 jeunes gens, affranchis de la surveillance et de la tutelle de personnes âgées, restèrent pendant tout le trajet en proie à la tristesse. Il y eut, je le soupçonne fort, quelques danses organisées sur le pont. On entendit quelques éclats de rire, quelques saillies joyeuses, et plus d'une fois la jeune troupe se livra à des accès d'hilarité inopportunes, jusqu'au moment où apparurent au milieu des nuages les pics élevés et bleuâtres de l'île de Crète. Cette vue dut certainement les rappeler à une gravité plus d'accord avec les circonstances. Thésée, debout au milieu des matelots, fixa ses regards attentifs du côté de la terre, dont l'apparence était aussi vaporeuse que les nuages au sein desquels les montagnes dérobaient leur sommet. Une ou deux fois, il s'imagina qu'il avait distingué dans le lointain un objet brillant reflété dans les flots. « N'as-tu pas aperçu ce trait lumineux dans la mer ? » demanda-t-il au maître d'équipage. « Non, prince, mais j'ai déjà vu la même chose auparavant. C'est Talus, je suppose. » Comme le vent devenait un peu plus fort, le marin, absorbé par la manœuvre des voiles, n'eut pas le temps de répondre à de nouvelles questions. On approchait de l'île, et Thésée fut saisi d'étonnement en voyant un être à figure humaine, de taille gigantesque, qui marchait sur le rivage à pas longs et mesurés. Il faisait des enjambées d'un rocher à un autre rocher, parfois d'un promontoire à l'autre, et la mer bouillonnait et mugissait sur les grèves en brisant ses flots d'écume contre les pieds du géant. Ce qu'il y avait encore de plus remarquable, c'étaient les étincelles que faisaient jaillir les rayons du soleil en tombant sur son corps. Sa face colossale brillait de reflets vifs et métalliques et répandait dans l'air des traits lumineux comme autant d'éclairs. Les plis de ses vêtements, au lieu de flotter au vent, tombait lourdement autour de ses membres, semblable à une draperie coulée dans le bronze. Plus le navire approchait, plus Thésée s'émerveillait à la vue de ce géant, se demandant si c'était ou non un être vivant. En effet, bien que ses mouvements révélassent la vie, il avait une démarche saccadée qui, jointe à son apparence métallique, faisait soupçonner au prince que ce n'était point là un vrai géant, mais plutôt une machine mue par des ressorts incompréhensibles. Ce qui rendait encore cet être plus terrible, c'était une énorme massue de bronze qu'il portait sur son épaule. « Quelle est cette étrange apparition ? » demanda Thésée au maître d'équipage, alors mieux disposé à satisfaire sa curiosité. « C'est Talus, l'homme de bronze. Est-ce que c'est un géant ou une grande figure de métal ?»« Quant à cela, répliqua le maître, c'est ce qui m'a toujours intrigué. Quelques personnes assurent que ce Talus a été fabriqué par le roi Minos par Vulcain lui-même, qui est, comme vous savez, le plus habile des forgerons. Mais qui a jamais pu voir une statue de bronze capable de faire d'elle-même 3 fois par jour le tour d'une île ? C'est pourtant ce que fait le géant de l'île de Crète, défiant et menaçant chaque vaisseau qu'il s'apprête à aborder. De notre côté, quel être vivant, à moins d'avoir des nerfs d'airain, ne se fatiguerait d'une marge de 1 800 000 en 24 heures ? Talus accomplit chaque jour ce trajet sans jamais prendre un instant de repos. Le navire avançait toujours pendant qu'il causait ainsi. Thésée put alors entendre le retentissement des pas du géant sur les rochers battus par les vagues et qui, par moments, se brisaient sous le choc en mêlant leurs fragments écrasés à l'écume de la mer. Quand les voyageurs arrivèrent à l'entrée du port, le colosse fit une enjambée, en posant fermement chacun de ses pieds sur une éminence, puis, levant la massue à une telle hauteur que l'extrémité s'en perdait au milieu des nuages, il se tint dans cette inquiétante position, tout resplendissant sous les rayons du soleil, qui faisait reluire sa surface métallique. On eût dit que, sans aucun doute, cette monstrueuse massue allait s'abattre tout d'un coup et broyer le vaisseau en mille pièces, sans respect pour les innocents exposés à une telle catastrophe. Car il y a rarement de la miséricorde dans le cœur d'un géant, et une machine de fer n'est guère plus sensible. Mais au moment où Thésée et ses compagnons s'attendaient à être écrasés, le colosse ouvrit ses lèvres de bronze et les apostropha en ces termes. « D'où venez-vous, étranger ?» Quand cette voix eut cessé de résonner, la vibration se prolongea comme celle d'une immense cloche d'église dont le son fait trembler l'air quelques minutes après le dernier coup de marteau. « D'Athènes, répondit le maître d'équipage. « Quelle est votre mission ?» reprit l'homme de bronze d'une voix tonnante. Elle brandit son arme avec un geste plus menaçant encore, comme si à ce nom d'Athènes, avec qui, tout récemment, la Crète avait été en guerre, il se fût apprêté à pulvériser l'embarcation. « Nous amenons les sept jeunes garçons et les sept jeunes filles qui doivent servir de pâture au Minotaure. »« Passez !» cria le géant. L'atmosphère retentit au loin pendant que la poitrine d'où était sortie cette voix formidable frémissait encore de sa propre sonorité. Le navire glissa entre les promontoires du port, et le colosse reprit sa marche. En peu d'instants, cette étrange sentinelle fut bientôt à une grande distance, réfléchissant par intervalles quelques traits de lumière, et sans plus s'arrêter dans son parcours autour de l'île, comme c'était sa tâche éternelle.